and gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. Yeah, let's see. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Pierre avec vous pour Planète Indie, épisode numéro 448, comme chaque premier samedi du mois. Si vous découvrez cette émission, eh bien sachez qu'on va vous proposer pendant une heure et demie le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative, et puis le meilleur de la programmation culturelle de qualité qui se déroule près de chez vous, c'est-à-dire dans les environs ici. Disons grosso modo la région de Luxembourg-Esch-sur-Alzette, tout le Grand-Duché, la Gaume, et puis les régions frontalières. On est partenaire de la Rocale, de la Culture Fabrique, de l'Abbaye de Münster notamment, et puis d'autres événements comme notamment le Festival Cinéis dont on a parlé longuement le mois dernier. Je vous ferai part du palmarès de cette 15e édition qui s'est déroulée donc il y a à peu près 3 semaines. Très belle édition d'ailleurs, je dois signaler que j'ai assisté quand même à quelques projections et la qualité cette année-ci était vraiment au rendez-vous. En ce qui concerne eh bien, notre cœur de métier, on va dire le monde de la musique, on a des nouveautés évidemment à vous proposer. Allez, je vous en cite deux. Phédras, un frère et une sœur, on les écoutera dans quelques minutes avec un morceau Awakening. On avait déjà entendu Stéphanie, mais il y a déjà plusieurs années de cela, me semble-t-il. Et puis une autre nouveauté, Kion, je ne sais pas trop comment il faut prononcer. Bon, la consonation de son nom d'artiste sonne plutôt italien, mais elle est finlandaise. On l'écoutera en deuxième moitié d'émission. C'est très très bon, vous verrez ça. Ce sera juste avant notre pause BD. Et puis d'autres habitués de cette émission, hein, comme qui d'autre ? Black and White Motion Picture, par exemple, qu'on a déjà écouté. Jerry Canisto, de nouveau en Finlande. Reggae Jack qui va nous apporter un peu de soleil puisque la météo eh bien s'est enfin décidée à passer du côté on va dire sombre. Bah oui, c'est mis un peu d'actualité, hein, l'automne arrive. Reggae Jack ce sera pour dans quelques minutes, mais on va commencer tout de suite avec Peter Galloway and son real band. Not this time, pas cette fois-ci. Bah oui, si, cette fois-ci c'est ton tour. Peter Galloway and the real band, not this time, pour entamer cet épisode numéro 448 de Planète Indie. C'est parti. I cannot save you, what can I say? No one can save us, least of all me. Only turn and face the strange, like young Bowie said. We met at the Bowery, you took paths all over the east side, bouncing around. You with the wild boys, me and the band, we were just so young. I'm not running, not this time. I'm not running this time. I waited so long, those restless nights. It's a mystery, Lord, I've tried. I'm not running, not this time. I'm not running this time. Maybe magic will save us, with this I pray. For richer or poorer, I will not break. time. I waited so long, those restless nights. It's a mystery, Lord, we've tried. I'm not running, not this time. I'm not running this time. Let's have a little faith, start telling the truth. Like when we were younger, with nothing to lose. I'll fight for me and you, at least I tried. Maybe that's all there is, maybe that's all there is. One can save us, least of all. We can only turn and face the strange. That's what Bowie said. I'm not running, not this time. I'm not running this time. I waited so long, those restless nights. It's a mystery, Lord, I've tried. But I'm not running, not this time. I'm not running, not this time. I'm not running, not this time. I'm not running this time. Ah, j'espère que vous l'avez bien senti là, le soleil de cette chanson. Do something fun, get up and do something fun, lève-toi et fais quelque chose de fun, d'amusant. C'était Reggae Jack pour débuter cette émission numéro 448 de Planet Indie. Avant cela donc, c'était Peter Galway et son Real Band, Not This Time. Je vous rappelle que vous nous écoutez et vous nous retrouvez chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 sur les ondes de RGL. Vous pouvez aussi nous retrouver via différents canaux et puis notamment via le site RGL ou le site de Planet Indie, et vous pouvez nous écouter où que vous soyez. Bah, j'espère que, en tout cas, où que vous soyez, ça se passe bien pour vous. Vous avez peut-être un petit cocktail à la main, pourquoi pas. C'est vrai qu'avec ce qu'on vient de vous passer, on se verrait bien avec une bonne caipirinha ou un bon gin tonic, hein, pourquoi pas. Ça ferait du bien, et puis s'imaginer être en vacances, pourquoi pas. C'est vrai que moi j'étais parti quelques jours ce mois-ci. Allez, pour tout vous dire, j'étais à Malte, et bien il faisait très très beau, grand soleil, bonne température. Impeccable, voilà, ça s'est passé très vite, hein. C'était 3-4 jours, c'était pas grand chose, mais ça fait du bien. Je vous avais parlé des faits de race, on va les écouter dans quelques minutes, et bien dans précisément quelque chose comme 3 minutes. Avant cela, on va écouter Dian Peterson et le morceau Cook Fire. May my cook fire my warming fire. May my cook fire my warming fire. May my cook fire my warming fire. May my cook fire my warming fire. Burn brightly. Blue beauty with all people hold all time. With all all time, all may be warmed and fed. May my needle, my spinning wheel. May my needle, my spinning wheel. May my needle, my spinning wheel. May my needle, my spinning wheel. Shuttle my warp and web, may my shuttle my warp and web, may my shuttle my warp and web, may my shuttle my warp and web. Weave beauty, weave beauty with all people. My story, my chant and verse. May my stories, my chant and verse. May my story, my chant and verse. May my story, my chant and verse. Speak beauty, sing beauty with all people for all time. With all all time, all remember their words.

très beau duo que celui des frères et sœurs, l'effet de race, avec ce morceau Awakening. C'est un peu marrant qu'ils appellent ça Awakening parce que c'est un petit peu, c'est presque endormant. On les écoutait donc avec ce morceau Awakening, 17h21, et eh bien je vous propose d'appartir sur notre power play, et celui-ci eh bien, nous emmène aujourd'hui du côté de la Suède, et c'est encore, et puis je vous la parenthèse, et je pense qu'on va encore en avoir pour quelques temps avec ce type d'annonce. C'est encore donc une production de la pandémie et du confinement. Il s'agit de l'album Brave de la chanteuse Sue Anderson. Son parcours musical eh bien, est relativement jeune, même si la dame ne l'est plus tant. Bon, ça, il ne faut pas trop le dire. J'espère qu'elle ne nous écoute pas, qu'elle ne parle pas le français. Mais bon, en effet, elle a d'abord débuté son parcours professionnel, il faut rester honnête, dans le monde de l'entreprise. Architecte, elle a même fondé et dirigé sa propre société pendant plus de 3 décennies, ce qui justifie mon petit commentaire. Ensuite, eh bien, le goût pour la musique qu'elle avait développé dans sa jeunesse a pris le dessus. Et ce goût l'a poussé à tout laisser tomber pour poursuivre sa passion de jeunesse et ses rêves d'adolescente. Elle était arrivée à un point de sa vie où elle a eh bien, ressenti le besoin de regarder par-dessus son épaule et elle se posait la question de savoir ce qu'elle avait fait de tout ce temps qui s'était déjà écoulé. Et surtout de se dire pourquoi est-ce que je n'abandonnerai pas cette éternelle course et cette fuite en avant dans laquelle eh bien, je suis embarqué pour poursuivre quelque chose qui me plaît beaucoup plus. Du coup, eh bien, elle a commencé à chanter lors de soirées open microphone, ou micro ouvert, qu'on pourrait dire, du côté de la Suède, mais pas seulement, elle a aussi pratiqué l'exercice à New York. Bien qu'elle ait enregistré en 2014 un premier disque intitulé Autumn Journal in New York, eh bien, ses véritables débuts sont plutôt associés à son album Train Stories, un album qui mélange la musique rock, le folk, la country, le blues et même les tendances Americana. On en parlera un peu plus longuement, si vous le voulez bien, dans le chapitre suivant. Je vous propose donc de faire place à la musique avec un premier extrait pour ce soir de son album. J'ai choisi, eh bien, pour faire facile, la plage d'ouverture de cet album. Ça s'appelle Japanese Tea, c'est un morceau assez mélodique et assez simpliste du point de vue de la mélodie. Eh bien, elle nous emmène du côté du Japon, elle nous invite à prendre une tasse de thé. C'est vrai que bah, c'est presque l'heure, hein. Si on s'en tient à l'horaire anglais, on est juste un petit peu en retard, mais si on retire notre heure de décalage à Londres, c'est tout à fait l'heure du thé. Donc, je vous invite à prendre une petite tasse de thé japonais avec Sue Anderson et son Japanese Tea. C'est notre power play aujourd'hui dans Planet Indie numéro 448. Power play. Power play. Japanese tea in the waters of China opens my mind, opens my heart. We're 5 in the room, senses decree. There are 2 in the backyard feeding goldfish and cats. We'll have a cup of Japanese tea. We'll have a cup of Japanese tea. You send me a message, your visit's been cancelled due to some trouble at the border again. No problems come later, I'll wait in the garden or sit on the carpet in my tiny wooden house. With a cup of Japanese tea, with a cup of Japanese tea. Placed with random precision, lit by some streaks of sun.

took an instant when we met for my heart to recognize. Na na na na na. Love is such a precious thing. Let me say it one more time. I accept your point of view. Whatever you believe, la la la la la la. You bring joy into my life. You're always in my dreams. Let me fall into your arms. Dance among the stars, where the rhythm longs to play above. A flawless circumstance, when you took my hand. No place I'd rather be, my love. Say the words I long to hear, whispers are sincere. There's no room for doubt, hold on. I've come so very far, to be where you are. This is where I'll stay. I'm home, I'm home, la-da-da. Among the stars, where the rhythm longs to play above. A flawless circumstance, when you took my hand. No place I'd rather be, my love. Say the words I long to hear, whisper so sincere. There's no room for doubt, hold on. I've come so very far, to be where you are. This is where I'll stay. I'm home. Are you ready? One, two, three, four. Tell me what you're feeling. Tell me what you're thinking. I can't read your mind. Tell me what you're feeling. Tell me what you're thinking. I can't read your mind. My love. Mon amour, tu es très belle, mi corazón. Te quiero más y más y más y más y más y más y más y más. Oh, oh. Yeah, yeah. Encore une autre nouveauté pour aujourd'hui, il s'appelle John Vartow, il est américain, je pense qu'il est californien. Et il nous interprétait le morceau « I'm home ». Avant cela, c'était le finlandais. On restait donc dans les pays nordiques. Jiri Kanisto, on connaît puisqu'il est, il est assez récent dans notre... C'est un nouveau membre de notre communauté, on va dire. Jiri Kanisto avec « Bald Man Harry Women ». J'espère bien que la programmation musicale vous plaît. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Facebook. Hein. On a un petit groupe sympa, à peu près 200. On est à peu près 200. Et puis, il y a pas mal d'artistes et de producteurs qui sont présents. Donc, vous pouvez même dialoguer directement avec pas mal d'artistes que vous entendez dans cette émission. Voilà, pour ce qui est de la programmation musicale de notre partenaire de la Rocale, eh bien, ce soir, après l'émission, vous pouvez, si vous aimez ce genre, le hip-hop, le rap, vous pouvez avoir une soirée avec pas moins de 4 artistes, Young Horn, Simba, Okimo, et Leila. Lundi, ce sera... Je me trompe. On continue dans le hip-hop et le rap avec mardi 8 novembre, Central Cee, Still Loading World Tour. C'est en collaboration avec ESH 2022, capitale culturelle européenne. Mais si vous n'avez pas de ticket, c'est pas la peine d'y aller. C'est sold out. Mercredi 9 novembre, on change un peu de style musical. Vous pourrez écouter le rock metal de Alter Bridge. Pardon. Le concert de Perturbator Health et Author and Punisher qui était prévu, eh bien, mercredi lui aussi. Quant à lui, eh bien, il est annulé, tout comme celui de Anne-Marie. Alors, jeudi 10 novembre, Wet Leg, c'est de la musique alternative. 11 novembre, c'est pour les vieux comme moi. Enfin, je rigole hein, quand je dis vieux. 11 novembre, ça a bercé notre jeunesse, Status Quo, pour son Out, Out, Queen Tour. Et puis 12 novembre, c'est déjà complet depuis belle lurette aussi. C'est Sting qui revient après son concert qui avait été annulé. Je pense que c'était mois de mars ou avril. Ensuite, dimanche 13 novembre, concert avec The Lord of the Ring and The Hobbit. Et dimanche aussi, vous pourrez écouter la musique de Hans Zimmer avec toutes ses musiques de films. Lundi 14, Sepultura, ça va aussi bouger pas mal. Lundi 14, dans le Main Hall, je sais pas comment ils vont faire les deux. Je pense qu'il y en a un qui va devoir... la Sepultura, c'est dans le club, pardon. Lundi 14, Magical Music of Harry Potter. C'est aussi donc la musique du film Harry Potter. Royal Republic, le 16 novembre. Le 18, ce sera Escales, un ciné-concert. Le 18 aussi, c'est le ciné-concert donc pour Kids. Concert pour Kids. Donc il y a deux sessions, je pense qu'il doit y en avoir une après-midi, une en début de soirée. Le nombre de places, attention, est limité. The World of Queen par Cover Queen, ce sera pour terminer la soirée du 18 novembre. Le 19, Eskel Ciné-Concert de nouveau. Et puis les Legends of Rock, toujours le 19 novembre. Le 20, Dajou. Le 21, le métal de In Flames, At The Gate, Imminence et Orbit Culture. Ensuite, on nous amène toujours dans le métal avec Bury Tomorrow and August Burn Red. Ce sera le 24. On reste dans le même style avec Volbeat le 28. Le retour du hip-hop avec Little Sims le 29. Le 1er décembre, Evanescence et Within Temptation, là c'est un peu différent, mais bonne soirée, ça s'annonce pas mal. Et puis ensuite, on nous amène au 3 décembre, ce sera la date de notre prochaine émission d'ailleurs, Closing Event, donc fête de clôture de l'année culturelle H 2022, The Sound of Data featuring Max Cooper. Voilà pour la programmation de la Rockal, plus d'informations bien entendu, et tickets disponibles pour les concerts qui ne sont pas déjà sold out sur www.rockal.lu. On poursuit en musique avec une autre nouveauté venue des pays nordiques, Monster, je ne sais pas trop comment il faut prononcer. C'est la première fois qu'on les entend. Ils viennent de sortir un album qui a été distribué, qui est paru fin septembre, donc il est assez récent, il a un mois. Et on l'a pour vous, Bridges of Glass par le groupe Munster, je pense qu'il faut prononcer Munster. S'il y a quelqu'un qui connaît le suédois et qui peut me dire comment on prononce un O avec un tréma dessus, 26 54 00 44. Getting cold round here today. It's getting cold in most every way. Shadows freeze into the ground. Lay listening to a crackling as we walk on bridges of glass, soon about to fall, but nothing will last anyway. City lost in light while we keep on moving into the night. Yeah, we walk on bridges of glass likely to fall, tumble and crash. Don't ask me no questions, which way to go? No use asking me anything, I wouldn't know anyway. Round here today, can barely hear a word you say, but I'll be right with you if you call. You know I'll be around trying to catch you if you fall. There's something here, don't know what it is, vague and unclear, shrouded in mist. Don't ask for directions, which way to go? No use asking me anything, and fate, and gave me you. Les Américains de Black and White Motion Picture avec le morceau intitulé comment est-ce qu'il s'appelait celui-là, Mild Life. Bah oui, une douce vie, on en rêve tous hein, de cette vie douce, agréable, pourrait-on dire. Retour, et avant cela, je vous réannonce le morceau qu'on a écouté avant cela parce qu'on risque de les entendre assez souvent dans cette émission. Donc le groupe Monster Bridges of Glass, et c'est extrait aussi d'un tout nouvel album qui vient de sortir le 30 septembre, donc le dernier jour du mois de septembre, et on en entendra reparler, c'est garanti, puisque c'était vraiment pas mal ce morceau. Pour le retour sur notre album Powerplay, l'album de Sue Anderson, je vous ai mis une vidéo sur notre groupe Facebook, la groupe vidéo du morceau Turquoise, difficile à prononcer, Turquoise and Rust. Pour l'heure, eh bien, parlons un peu de son album précédent intitulé Train Stories, dont on avait parlé tout à l'heure. Cet album est la plupart du temps considéré comme sa première réalisation. En 2016, Sue a été intriguée par une chanteuse et compositrice américaine nommée Laura Gibson, et en particulier par son album Empire Builder, un album qui était basé sur son expérience d'un voyage en train, un train qui était bondé, et ça se passait entre Chicago et Seattle. Du coup, eh bien, Sue a été inspirée donc pour suivre un processus créatif similaire. Elle est donc retournée aux États-Unis, mais elle a étendu un peu le parcours géographique et elle a décidé d'aller d'une côte à l'autre, donc rejoindre la côte est à la côte ouest. Et donc, de documenter ce voyage dans des chansons. Donc, cet album Train Stories s'agit d'un livre musical. L'été 2019 a été consacré donc à la préparation de ce périple à travers 15 États. Le voyage a eu lieu au mois d'octobre avec pour objectif final eh bien, un enregistrement au mois de janvier 2020. Il en est donc ressorti un panel de 10 chansons qui est à la fois eh bien, une aventure musicale et un récit de voyage, chaque chanson racontant eh bien, une histoire vécue ou une nouvelle rencontre. C'est un, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure il y a quelques secondes, un livre musical de nostalgie américaine vu à travers eh bien, les yeux d'une Européenne. Mais en même temps, c'est aussi bien plus que cela, c'est aussi une incitation pour tout un chacun à réaliser ses rêves et à s'embarquer pour son propre voyage d'exploration, on a vu eh bien, que Sue Anderson elle a suivi eh bien, le même parcours puisqu'elle a abandonné sa carrière professionnelle pour se lancer dans le monde de la musique. Les rencontres, ou plutôt la rencontre en général, le fait de rencontrer des gens, sont une pièce centrale dans le processus créatif de Sue Anderson, comme on pourra encore s'en rendre compte dans le chapitre suivant. Ça, ce sera encore pour la toute dernière partie de l'émission. Pour l'heure, donc, je vous propose d'en écouter un second extrait et j'ai sélectionné pour vous le morceau Echoes, rien à voir avec l'album du même nom d'un groupe que par ailleurs j'aime beaucoup aussi, à savoir les Pink Floyd, mais ce morceau aussi c'est le morceau de Sue Anderson, un morceau d'un genre un peu dramatique avec des guitares, vous allez voir qu'ils sont tout à fait sûrs d'elle. Sue Anderson, son album Brave, on écoute Echoes, c'est notre powerplay pour cette émission numéro 448 de Planet Indie. Powerplay. Powerplay. Today we'll echo forever, leave the sky to the birds. I know I've had my time, know I've had my share, but in my heart there's a time across the Atlantic Sea, where I wanna walk the streets once more, where I wanna see my friends again. I'm gonna take the first flight back to New York City when I can. I'm gonna take the first flight back to New York City when I can. I'm gonna meet you at Hudson Yards, you'll see me from the park above. We'll take a walk from there, carry on where we ended up. We're heading east on 14, let the sun heat our backs. Our bodies need a break, but our souls, they won't break. I'm gonna take the first flight back to New York City when I can. I'm gonna take the first flight back to New York City when I can. We'll look upon the sky, see the stars and the moon. We know they're all the same wherever we're looking from. Collar breaks and all the doors, a blanket of snow on the ground. Together, share memories with love. I'm gonna take the first flight back to New York City when I can. I'm gonna take the first flight back to New York City when I can. It's the pictures that I see taken years and years ago, you built the records in my heart. Hey, this is Mendel Beach Markets, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Andy Palmer, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Davis from Savage Peace, and you're listening to Planet Indie. Vous avez remarqué cet extrait d'un album en public, c'est le nouvel album de David Crosby avec son groupe le Lighthouse Band. Il nous interprétait un morceau intitulé 1974. On va poursuivre avec la belle nouveauté, grande découverte dont je suis très fier de vous proposer la musique. Elle s'appelle Chione Chione, un morceau intitulé Bohemian, c'est de la pop mélancolique finlandaise. Bah oui, elle m'a envoyé ça récemment et j'ai trouvé ça super, donc j'ai un peu modifié ma programmation pour pouvoir l'inclure. Mais avant cela, pour vous faire patienter un tout petit peu, on va passer en vue le programme de notre autre partenaire qui est la Culture Fabrique. Alors ce soir à 20h, vous pourrez voir le groupe Dark Pop Electronica Dem Lights avec en première partie Alfalfa et Foreigners plus un DJ set by Taipan. Jeudi 18h15, c'est un peu tôt pour de la musique death metal, celle du groupe Hypocrisy pour son Worship European Tour 2022. Vendredi 11 novembre à 20h, le Noise Rock New Wave de Dies avec en première partie les Luxembourgeois de Kaiju Ultra. Et puis le samedi à 19h, Punk Hardcore au programme avec Converge accompagné de Peter Brick et Full of Hell. Vendredi 18 novembre, Indie Rock avec Twiz. Et puis le vendredi suivant, Post-Punk Disco avec Toucan and Mad. Ce sera dans la petite salle. Et puis 3 décembre, je vous l'annonce déjà, puisque ce sera juste si vous voulez y aller, puisque ce sera la date de notre prochaine émission en direct, et c'est à 17h en plus, donc vous allez rater une demi-heure. La première demi-heure, c'est de la musique électro avec 5 Years of Vinyl Harvest. Je ne sais pas si c'est un festival ou si c'est un groupe qui s'appelle comme ça. Non, c'est bien le nom de son groupe, c'est le groupe de Cédric Dekowski. Voilà, plus d'infos, www.culturefabrique.lu. Et puis, tant qu'on est lancé, je vous parle aussi du palmarès du festival Cineist, donc qui s'est tenu le mois dernier jusqu'au 23. Et si vous avez acheté un pass, vous avez encore droit jusqu'à demain, je pense, à visionner des films sur la plateforme internet. Alors, le palmarès, c'est le suivant. Pour le Grand Prix, c'est le film Gentle, un film que j'ai vu. C'est vrai qu'il est assez émouvant. C'est l'histoire de cette bodybuildeuse là, qui a consacré sa vie à son sport. Le prix spécial du jury à 107 mères, 107 mothers. Le prix de la critique pour le film How is Katia. Et le prix décerné par le jury jeune, pour le film The Uncle. C'est vrai que c'est un film que j'ai vu aussi, tout à fait surprenant, hein. C'est l'histoire, je ne sais plus exactement dans quel pays ça se passe, d'une famille qui accueille le frère du père de famille qui revient pour célébrer la Noël, et puis ils essayent de passer une fête de Noël conviviale, gay, pleine de bons sentiments. C'est une comédie qui rejoue tous les jours, puisqu'ils veulent tous les jours que ce soit Noël tous les jours. Donc tous les jours, eh bien, ils rejouent le réveillon de Noël chaque jour de l'année. Mais il y a quand même une intrigue derrière. Donc film The Uncle, prix du public pour Sonata. Et puis il y a les films prix du public pour la meilleure... le film court, pour le film Branca, et pour le film This Will Not Be a Festival, pour le film court d'animation. Voilà, et puis le meilleur documentaire, ça a été attribué au documentaire Attention All Passengers. Plus d'infos, et puis vous retrouvez encore les trailers, je pense, et les synopsis de tous les films sur leur site internet www.cineist.lu. Pour l'heure, découvrons, si vous le voulez bien, cette artiste finlandaise Chione avec ce morceau Bohemian. Like there's no tomorrow. est finlandaise, elle s'appelle Chione, ce qui ne gâche rien, elle est jolie comme un cœur. Et puis en plus, elle fait partie de notre groupe Facebook, donc si vous voulez entrer en contact avec elle, n'hésitez pas, rejoignez-nous aussi sur Facebook. Vous tapez Planet Indie et puis vous rejoignez notre joyeuse bande. C'était Chione avec Bohemian et nul doute qu'on la retrouvera au cours d'une prochaine émission. Elle m'a envoyé quelques morceaux et c'est pas mal du tout. Pour leur pause BD avec la BD du mois, une BD qui s'intitule La République du Crâne, BD de Brujas et Toulhoat, sortie chez Dargo. Dans la mer des Caraïbes, Olivier Devanne, l'ancien second du pirate Scylla, tout juste promu par ce dernier capitaine du Fortune, le vaisseau pris à la marine anglaise peu de temps auparavant, rencontre un bateau qui semble voguer à l'abandon. Il y découvre une cargaison d'esclaves noirs avec leur tête, Mariam, leur reine. Ils se sont révoltés contre les négriers portugais et ont pris possession du navire, mais ne savent pas s'en servir. Les flibustiers décident de les intégrer à leurs troupes et, à force de patience et d'enseignement, en font des marins. Mais la vie n'est pas de tout repos. Le choc des cultures et les objectifs parfois distincts entre les deux groupes se font pressants et accroissent les tensions latentes. Et maintenant que Nassau est tombé aux mains des Anglais, il ne reste que peu de refuges disponibles tandis que les prises se font de plus en plus rares et maigres, menaçant la survie de la communauté qui s'accroît au rythme du ralliement des équipages vaincus. La solution serait de gagner les côtes de l'Afrique, mais les rafios ne sont pas en état d'affronter une si périlleuse traversée. Il y a bien cette frégate de Sa Majesté qui les poursuit, mais il faudrait être fou pour s'attaquer à un tel bâtiment. La République du Crâne est une histoire de pirates pas comme les autres. Le plus souvent, celle-ci tourne autour d'une chose, la traditionnelle chasse au trésor entre des hordes de barbares avinés au rhum, assoiffés de sang et d'or. Le parti pris de l'auteur est ici aux antipodes de cette représentation puisque les forbans sont presque présentés comme des gentlemen libéraux épris d'ordre, d'égalité et de justice. On les voit voter pour certaines décisions ou pour l'attribution des postes d'importance, refuser de devenir des esclavagistes ou traiter avec humanité les prisonniers qu'ils font parmi leurs ennemis. Le scénario est parsemé de rebondissements, il y a de l'action et du ressort dramatique, mais l'intrigue est pour l'essentiel laissée au second plan, au bénéfice des protagonistes dont la charnière centrale est le mode de vie à la pirate. Les héros, quel que soit leur rang, ne sont là que pour servir de miroir grossissant à celui-ci. Ce qui illustre à la perfection le recours au carnet de bord rédigé par Olivier Devanne comme cartouche de narration. Le très dynamique découpage des cases peut par moments donner l'impression d'un carambolage qui cherche à déborder des pages. Les dessins se concentrent sur l'essentiel, l'indispensable, même si les inévitables scènes de bataille navale et d'abordage sont flamboyantes, et notamment celle du galion espagnol au chapitre 5, avec quelques pleines pages superbes. Les couleurs montrent une prédilection pour les tons ocre, mais elles restent dans l'ensemble cohérente. Le rythme s'accélère pour signer la fin de partie. L'heure de vérité sonne coup sur coup et propose une double explication impitoyable et imparable lors de la défense de Mariam, vengeresse et définitive ensuite avec l'épilogue sanglant. À noter enfin une intéressante postface détaillant l'âge d'or de la flibusterie au début du XVIIIe siècle ainsi que la vie d'Ananjinga, reine d'Undongo, qui a inspiré le personnage de Mariam. En conclusion, eh bien, je dirais qu'on adorerait souscrire à la version presque romantique du monde des pirates telle que proposée par l'auteur. La vérité est vraisemblablement dans une zone intermédiaire, mais peu importe, puisque le propos n'est pas de faire de cet album une référence scientifique. Côté divertissement, ce volumineux ouvrage nous offre un retour plaisant dans nos rêves de gamins, avec une histoire qui a le mérite de l'originalité, et non seulement illustre, mais vante, à outrance peut-être, à voir, selon certains, la philosophie libertaire, choisir et vivre à 100% une vie que l'on sait courte, mais sans entrave. La République du Crâne, c'est donc sorti chez Dargo en début d'année, c'est de Vincent Brujas et de Toulhoat, et c'est un gros volume puisqu'il fait plus de 200 pages. Voilà, je vous ai mis aussi la conclusion et la photo de la couverture de cet album sur notre groupe Facebook, donc si ça vous intéresse, rejoignez-nous aussi. Pour le rond, poursuivons en musique avec le groupe, ils sont suédois ou finlandais, je crois qu'ils sont suédois, The Surge, et ils interprètent Quills. Puis après ça, retour sur l'album de Sue Anderson, l'album intitulé Brave. We'll be right back. pacing back and forth, looks scared out of its wits. And if I only could, I'd hold you if it wasn't so hard. Don't stand there hesitating, just knock on the old oak door. Money will let you in, lead you to the second floor. Come closer now, don't be shy. When did you grow those sharp spines, those quartz for protection? Overnight, tough and ferocious. Oh, that's an original disguise. Armed with bristles for defense. Yeah, that makes sense. In the cover of night, when it's the most safe. But please retract those fears while you're inside. There are people in this world who mend those wounds. There are people in this world who you rely on. That's so difficult to believe. And when I let you back outside, please be careful of dangers from left and right of the softer side. That few will ever see. The sky was clear. Cars were parked, frighteningly near, as you mind heart metal. And the sound of drunken walls. C'était The Search, sorti chez Enhouse Records avec Quills. 18h16, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. On doit retourner pour une dernière fois et faire un dernier focus sur le powerplay de cette émission numéro 448. Comme vous le savez maintenant, c'est l'album Brave de Sue Anderson. On parlait tout à l'heure de livre musical, et bien cette fois-ci c'est au sens propre qu'il faut prendre l'expression livre, puisque visuellement l'ensemble ressemble en effet un petit livre de poche avec un beau livret d'accompagnement et des couvertures cartonnées. Alors que Train Stories était un album de rencontres, Brave est un album influencé par le manque de rencontres et d'interactions sociales du fait bien évidemment de la pandémie. Cette période d'isolation forcée a dès lors constitué pour l'artiste un moment de réflexion intense sur les gens, les histoires, les événements. Comme la musique est par essence un art collaboratif, Sue a cherché des moyens de contourner l'isolement forcé dans lequel tout le monde se trouvait, et elle a capitalisé sur cette période pour prendre des contacts avec d'autres artistes afin de collaborer à la réalisation de cette production. Ils ont pour la plupart accepté, c'est ainsi que l'on trouve assez bien de duos sur cet album. Sa réflexion de base était qu'il y avait plein de monde là au coin de la rue qui n'attendent qu'une chose, d'être interpellés et d'avoir des contacts. Il suffit d'aller vers eux et de leur dire « Salut !» On retrouve à la fois du Neil Young et du Stevie Nicks dans cette production qui marque une distance substantielle avec ce qu'elle avait proposé précédemment. C'est plus audacieux, c'est plus varié que Train Stories et on ressent une confiance en soi plus marquée chez Sue qui a même réussi à intégrer des éléments de musique pop voire même de musique dance dans un monde d'inquiétude et de guerre. Sue Anderson réussit la gageure de donner à ses fans des raisons d'être optimistes et courageux. Dernière étape donc musicale sur cet album, l'album Brave, on écoute Northern Light, c'est notre powerplay dans cette émission 448 de Planète Indie. Powerplay. Powerplay. I know the light, infinite shades of gray, but in it all the days with bright grace, dancing man. I slip in the leaves, away from yesterday and the day before they wanted time. Mauvaise manœuvre, désolé, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Allez, on va réécouter Sue Anderson avec son Northern Light. Le temps de relancer la mécanique. Désolé. C'est des choses qui arrivent quand on veut aller trop vite. Allez, on la relance et c'est parti. Voilà, c'est parti. Hesitating sun. Un peu plus, je vous le mets quand même, on pourrait souligner ça, cette petite erreur humaine. C'était sous Anderson, Northern Light, avec un extrait de son album Brave, qui était notre powerplay pour cette émission 448 de Planet Indie. On va donc repasser en revue la programmation de Neumünster. Eh bien, demain, le 6, Music Jazz avec Thomas Champagne, Random House. Le 10, Boren and their Club of Gore, c'est aussi du jazz. Le 11 novembre, Unnewed Power Abuse, c'est un débat. Le 12, Chaika, c'est du théâtre. Le 13, Adrienne Hahn et Benjamin Schaeffer, c'est encore de la musique jazz. Et puis aussi le 13, une scène pluridisciplinaire intitulée « À la tombée de la nuit sous un ciel étoilé ». Plus d'infos, eh bien évidemment, neumünster.lu. Je vous ai mis aussi une vidéo de Sue Anderson dans notre groupe Facebook. La musique qu'on entend là, elle s'appelle Fernway du groupe Chamber Music. C'est un morceau instrumental, on va l'écouter encore un tout petit peu. Ça va nous permettre de clôturer tout doucement cette émission. On aura encore un morceau à écouter tout de suite après. De ce bel instrumental pour se dire tout doucement au revoir. J'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre groupe Facebook ou sur notre site internet www.ilovemusic.gq. On se retrouve le 3 décembre pour l'épisode numéro 449 de Planet Indie. D'ici là, portez-vous bien. Le podcast sera disponible sur notre site internet dès ce soir, dans quelques minutes. Et puis la prochaine émission en français, ce sera samedi prochain, aux mêmes heures que Planet Indie, donc 17h-18h30, et nous serons rediffusés aussi demain à 16h-ci. Allez, rendez-vous le 3 décembre. On se quitte avec Those Barren Leaves, Matters of the Heart. Bonne fin d'émission, bonne fin de journée, bonne soirée, bon week-end, portez-vous bien, et rendez-vous au 3 décembre. Drowning me with noise. Start. You can't fool Marisol.